Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Nous allons accueillir maintenant Jonathan qui est avec nous. Salut Jonathan. Salut. Comment ça va, Jonathan? Salut. Ça va. Petit réveil. Hein. Bah ouais, un petit peu, ouais. Jonathan, 25 ans, t'appelles d'où? De hâte, d'accord, ok, très bien. Et nous allons faire la déclaration express. La déclaration express, c'est relativement simple. Donc tu as quelqu'un à qui tu veux déclarer ta flamme, qui est-ce? C'est ma copine depuis 3 ans. D'accord, et elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Déborah, très bien. Bon, alors si c'est ta copine depuis 3 ans, pourquoi tu veux la rappeler pour lui faire une déclaration à nouveau? C'est pour lui rappeler combien je l'aime. Ah, c'est pour entretenir. Oui, d'accord. C'est merveilleux, voilà. Il faut faire ça. Très bien, très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, ben Jonathan, on va l'appeler. Déborah, tu l'appelles. Enfin, on va l'appeler maintenant. Dès que tu l'as au téléphone, ou si jamais c'est le répondeur, on n'espère pas, tu lui dis voilà, j'avais un truc à te dire, et puis nous, on dégaine derrière, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va, on appelle Déborah. Espérons qu'elle ne dorme pas. Elle est réveillée, t'es sûre à sortir ou pas? Bah là, on reprend les coups. D'accord, oui, donc ça, normalement, ça devrait aller. Peut-être avec un autre actuellement, on sait pas. Ouais, c'est mal barré. Apparemment, il y a un accident aussi avec un mort. Je vous en parle dans un instant. Jamais, ah. Ah oui, bah c'est le répondeur. Oh, c'est toi qui laisse le même. Bon, tu me dis, voilà, j'ai un truc à te dire. Écoute, d'accord? Pour terminer l'appel, raccrochez ou appuyez sur l'étoile pour réenregistrer votre message. Allez. Voilà, c'est quelque chose à dire, Debo. C'est beau. Oui. Mais oui, c'est beau. La première fois que je t'ai vu il y a 3 ans, directement je me suis dit qu'un jour t'allais finir dans mon lit. Jusque là ça va. J'avais une meuf et c'était ton amie. Puis un jour celle-ci m'a dit que t'étais coquine et que t'étais bi. Je me suis dit je pourrais les retrouver dans mon lit. Après s'être bourré la gueule comme des veaux, et comme tu venais d'être plaqué chez moi, on a fait des cochonneries. Puis en 12 je t'ai vu, c'était salaud, mais t'étais beaucoup plus jolie et tu faisais mille fois mieux les gâteries. Et ben voilà cette magnifique déclaration express. J'espère que ça t'aura touché, Déborah, même si c'était ton répondeur, c'est dommage, mais bon. Et puis bah voilà Jonathan, j'espère que ça l'aura touché également, et puis tiens-nous au courant. Ouais, ok. Bon bah salut à toi et bonne journée Jonathan. Gros bisous à Déborah également, à bientôt à vous deux. Salut. Salut à vous, ciao. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Allez, c'est le moment maintenant d'écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin, on vous fait écouter les meilleurs messages de relou, en l'occurrence, hein, qui ont eu le numéro par vous les filles ou les mecs, on ne sait jamais, hein. Vous avez donné ce numéro parce que vous êtes tombé sur un relou, que ce soit en bois, dans un bar, en discothèque ou même en rue, parfois à l'arrêt de bus, ça peut partout, arriver aussi. Partout, ils sont partout. Il y en a partout, c'est pire que la peste. Et donc du coup, plutôt que de donner votre numéro de téléphone pour qu'il vous lâche la grappe pendant 5 minutes, et ben donnez le nôtre, comme ça, de 1, il va vous lâcher la grappe définitivement, et lui il sera content, il a le numéro de téléphone, et donc du coup, quand il va nous appeler, il va laisser un message. Sauf qu'à la place de tomber chez vous, et ben il va tomber chez nous. Ouais, Lorenzo, Vicenzo, c'était dernier rendez-vous près de Diffusion Menuiserie, ouais, mais t'es jamais venu et là je suis en train de me faire chier, mais si tu pourrais te dépêcher, ouais, parce que ça me fait complètement chier d'ailleurs, je crois que je vais me casser et que tu vas aller te faire foutre, hein. Ça va, et ton modem, ah oui, tu pourras te mettre où je pense, hein. Ça va, ah ben allez voilà.